Arrête, arrête, arrête, donne-moi un peu de temps. Arrête, arrête, arrête, je fais des euros, je reviens. Arrête, arrête, arrête, donne-moi un peu de temps. Arrête, arrête, arrête. Elle me dit que j'ai changé, elle me dit que je suis différent. Que je ne pense qu'au superficiel, que je ne pense qu'à l'argent. Elle me dit que rien n'est plus pareil, que c'était mieux avant. Quand on était insouciant, quand on avait 19 ans. Elle me dit qu'elle a le vertige, car notre histoire tourne en rond. Qu'elle me voit serrer des mains, qui demain m'étrangleront. Elle me dit qu'elle se prend la tête, car elle sait qu'au fond je saigne. Que l'amour c'est mieux que l'oseille, que ça n'en vaut pas la peine. Et je lui réponds: arrête, arrête, arrête, donne-moi un peu de temps. Arrête, arrête, arrête, je fais des heures, je reviens. Arrête, arrête, arrête, donne-moi un peu de temps. Arrête, arrête, arrête. Mon cœur est comme un feuille, il est froissé et plein de ratures. Je veux sortir du quartier, sortir des sentiers battus. Regarde comme j'ai changé, regarde ce que je suis devenu. J'oublie tous mes problèmes quand j'aperçois sa chevelure. Avec l'amour on s'entend pas, j'ai besoin d'un sonotone. Je fais des rêves avec des étoiles et des cocktails molotov. Toute la ville est menottée, donc la vie est monotone. Et dans les mains, j'aimerais avoir plus de feuilles qu'en automne. Elle me dit qu'elle rêve de s'en aller sans jamais s'en aller. Elle dit qu'elle rêve de m'embrasser sans jamais s'enlacer. Elle me dit qu'elle rêve de m'enlacer sans voir le temps passer. Elle pleure et me dit que heureux c'est mieux que heureux. Arrête, arrête, arrête, donne-moi un peu de temps. Arrête, arrête, arrête, je fais des heures, je reviens. Arrête, arrête, arrête, donne-moi un peu de temps. Arrête, arrête, arrête. Automne, été, hiver, mon âme est tout le temps noire. Je ne pleure que quand je vais bien, je pars sans dire au revoir. Les humains pleurent mais ils s'habituent à tout. Les humains pleurent car ils ne connaissent pas l'amour. Elle me dit que les âmes se rencontrent pour le meilleur. Et que les larmes ne rattrapent pas les erreurs. Mais comme d'hab, je lui réponds: arrête, arrête, arrête, donne-moi un peu de temps. Arrête, arrête, arrête, je fais des heures et je reviens. Arrête, arrête, arrête, donne-moi un peu de temps. Arrête, arrête, arrête, je suis malheureux dans le fond.